Alors que le symbolisme touche le mental, son pouvoir astral envahit ce dernier et il emprisonne en une signification pouvant nécessiter des siècles avant qu'une civilisation puisse les dépasser, ou une vie entière au niveau individuel, jusqu'à ce que le mental soit devenu réceptif à un plan qui somme librement par-delà le niveau submental de la signification astrale. Le symbolisme, sous sa forme submentale, filtre le processus de la pensée et contraint l'individu à adhérer à un niveau de pensée mal préparé au passage à une autre dimension de perception. Son pouvoir encourage l'inconscience permanente, même s'il suggère, ne serait-ce qu'en apparence, une évaluation plus profonde de la réalité. L'illusion est si réelle que le changement ne peut avoir lieu que lorsque le fondement psychique du moi a été transmuté. La stagnation des matières psychologiques, enfouie au sein de civilisations au symbolisme illusoire, explique pourquoi il y a tant de répétitions et si peu d'avancées dans l'histoire de l'humanité, et illustre davantage la raison derrière la récurrence des aberrations du comportement civilisé, et la continuité de l'ignorance. Nonobstant son degré de sophistication intellectuelle, la civilisation a contribué aux normes immuables de son niveau d'intelligence collective. Une recherche identitaire fondée sur des idées involutives portant sur la nature de la réalité, fait du symbolisme submental l'attribut exalté de la nature de l'être, qui exclut toute liberté des habitudes de la pensée associée à l'insécurité du moi. Même les tendances, ou cultes voués au développement personnel, dont s'entichent périodiquement des personnes spirituellement enclines, sont associées au plan astral. La liberté, tant convoitée, est entachée de symbolisme submental, même lorsqu'est prêchée en toute sincérité. On ne peut faire pleinement l'expérience de la nature de l'être par des moyens expéditifs offerts par des gourous ou des maîtres de culte, sous forme tant physique qu'astrale. La pensée involutive est trop astrale pour qu'elle puisse supporter une pleine compréhension des illusions du moi, sans l'aide d'un contact direct avec les domaines mentaux de la conscience. La spiritualité est une forme de conscience qui se nourrit du désexalté. Mais la pensée spirituelle en soi ne procure pas de sécurité à l'encontre des illusions astrales des mondes spirituels. Le système de la pensée doit être élevé en vibration, de manière à établir un contact télépathique avec des domaines de la vie qui résident au-delà du plan astral. Le fait de voler à l'intérieur de l'atmosphère terrestre ne nous libère pas de la gravité. Il nous faut voler au-delà des limites de l'atmosphère de la planète afin de comprendre ce que signifie réellement être libre de la gravité. Il en est ainsi pour les sciences spirituelles. Le développement spirituel maintient l'homme dans les confins de son orbite psychosymbolique. Alors qu'il apprend à s'éloigner de sa zone de confort émotionnel, il commence à comprendre que la pensée supramentale, dissociée du symbolisme submental, peut le propulser au-delà de son lien astral. Le problème fondamental que pose toute forme de symbolisme submental est son incapacité à se détourner des dieux. À titre d'êtres planétaires inconscients, nous souffrons d'une affliction historique et sentimentale que l'on qualifie de quête spirituelle. À travers l'expérience symbolique, nous avons, de nos pas, encerclé les pyramides depuis si longtemps à en perdre le contact avec l'intelligence et sa science du mental. Nous avons adapté nos systèmes de pensée à des formes alternatives de symbolisme faisant partie des niveaux submentaux de la conscience. Nous avons affiné cette faculté intellectuelle, ou intuitive à un tel degré que nous sommes devenus des pions dans une joute cosmique contrôlée depuis le plan astral, en accord avec la sophistication en évolution de notre intellect. Nous nous référons à la spiritualité pour y voir ce que nous voulons y voir, et non pas ce qui est. Peu importe ce que les dieux souhaitent que nous voyions est devenu un article de foi relatif. Nous avons perdu contact avec la conscience cosmique et son intelligence universelle et de ce fait, avec l'identité réelle. L'intelligence née de la liberté et du symbolisme submental ne sera jamais cédée gracieusement de la part des plans temporels, spirituels ou plus occultes, car ceci fait partie du jeu de la vie et de la pensée. Le rôle de tout être sensitif dans l'évolution des sphères, qu'elles soient physiques, astrales ou mentales, est d'impliquer une science qui unifie la conscience à tous les niveaux et en un même temps. Ceci est ce à quoi l'évolution fait appel. La manière dont ceci se déroulera variera selon la prééminence accordée à la science du mental dans le nouveau cycle de l'évolution de la race. L'homme devra lutter pour la liberté réelle, jusqu'à ce qu'il ait immortalisé sa conscience. La question de temps est sans importance, d'un point de vue cosmique, car il neutralisera les forces qui ont fait de lui une expérience dans un laboratoire lointain, pour le développement d'une conscience libre, contre les plus grandes adversités. La conscience est une expérience multidimensionnelle en laquelle plusieurs plans sont impliqués, en même temps et pour la même raison, l'évolution. La conscience ne fait que sembler appartenir à l'homme. En réalité, elle est un champ plus ou moins ouvert de communication cosmique, interprété en tant que pensée personnelle en notre dimension subjective. Avec le temps, cette perception changera et la pensée se fera pure communication avec des réseaux systémiques identifiables qui constituent la source de toute pensée. Le mental dérive son jugement de points de référence incrustés, alors que les valeurs symboliques soutiennent l'individu à travers l'expérience de la vie, sans offrir une compréhension de ses lois et de ses processus internes. Il reçoit des notions infiniment éprouvées dans l'expérience inconsciente humaine, plutôt qu'à la source de l'intelligence créatrice. Le symbolisme submental est au cœur même de ces notions. Il les imprègne par le plus subtil mouvement de la pensée. La vie mentale se trouve impliquée dans un système référentiel collectif, détaché de la réalité systémique de la conscience multidimensionnelle. Le contenu émotionnel du symbolisme le rend abject, du point de vue de systèmes de pensée plus avancés. Il est utile, à titre d'outil de référence, d'identifier les forces sous-jacentes à l'œuvre dans l'univers du mental, mais ceci réprime l'intelligence créatrice et entrave la compréhension plus occulte de ces forces créatives à l'œuvre. L'involution est l'interminable effort humain de mettre un terme à cette condition. L'évolution rendra ceci possible, à condition que le système de la pensée soit élevé en vibration en vue d'arriver enfin à sa conjonction avec la communication systémique multidimensionnelle. La nature submentale du symbolisme remonte à l'aube de la civilisation. Elle fut transformée selon le niveau psychologique et psychique atteint par les sociétés, et la sophistication de leur constitution mentale. Elle est le fruit de la nécessité et de l'ignorance et devint la pharmacie du mental, consommée sans discrétion ou connaissance de ses fonctions astrales, dont les lois étaient inconnues et le demeurent aujourd'hui. Elle devint la béquille psychologique et psychique des sociétés tant primitives que sophistiquées. Elle coïncida avec un besoin primaire d'extrapoler à partir d'une connaissance trop partielle de la vie et elle structura la psyché humaine aux dépens de la science du mental. Elle institutionnalisa les émotions, à un tel point qu'elles furent associées à la plénitude de la vie, nonobstant leurs aspects créatifs et non créatifs, asservissant l'humanité à une loi karmique ne pouvant être ni comprise ni révoquée. À moins que le symbolisme soit entièrement intégré au sein du moi, il demeure un savoir squelettique, une ombre de conscience. Il est astralement utile mais mentalement insuffisant pour l'engendrement d'un entendement supérieur qui puisse valider l'accès au mystère du surnaturel. Il viole l'intégrité territoriale du mental et impose à l'ego des illusions spirituelles incomplètes et ambiguës. Submental signifie provenant des sous-plans du mental. Ceci indique que le sens du symbolisme est assujetti à un ordre de connaissance supérieur à ce qui est accessible à travers les facultés intellectuelles du mental inconscient. Ceci signifie que le symbolisme ne constitue pas une fin en soi mais qu'il n'est que le graffiti de la conscience. Cette sous-communication doit être interrompue, de manière à obtenir accès à une science globale, pourvu que soient comprises les lois de la pensée et de la conscience, par-delà le plan astral. Le symbolisme spirituel crée une impression de connaissance dissociée de la réalité objective de la cosmologie de la vie. Il inhibe la recherche supramentale et par conséquent l'étude des mystères, indépendamment de la subjectivité du mental inconscient. La qualité de la pensée doit être renouvelée afin que soient dévoilés les mystères de la vie ainsi que la structure psychique effective du moi, à travers des voies d'investigation qui ne s'entrecroisent pas avec les habitudes involutives de la pensée. Ceci se produira à une échelle croissante, alors que se profilera un nouveau cycle d'évolution. La pensée supramentale fera la lumière, de manière définitive, sur la fonction psychologique de la relation, je, et, tu, l'ego, dans sa perception de la pensée soi-disant personnelle, se voit contraint à rompre le fil fragile et subtil de la communication qui existe universellement entre l'homme et les mondes du mental. Le, je, à travers lequel l'ego s'identifie, et le, tout, ou, tu, qu'il utilise pour communiquer à un niveau personnel doivent prendre un sens plus large, de manière à communiquer intérieurement avec le plan mental du moi. L'extension de ce mode d'identification psychologique et involutif rendra le, je, inapte au moi réel, et renouvellera le, tu, à un niveau pré-personnel de communication avec l'ajusteur de pensée. La communication supramentale requiert une réévaluation de la fonction égocentrique pronominale du « je » ainsi que sa substitution par le concept transpersonnel du « tu » de manière à permettre la réintégration des circuits universels de communication au sein du champ de la conscience humaine. Chapitre 18. Le « je » et le « tu » interdimensionnel. Au cours de l'involution, les fonctions pronominales du « je » et du « tu » revêtirent graduellement un sens extraverti, menant au développement d'une conscience de plus en plus centrée sur soi. Par conséquent, une détérioration proportionnelle du lien psychique avec l'intelligence cosmique de l'ajusteur de pensée, ou du « moi supérieur » s'ensuivit. La conséquence pour l'humanité fut l'aliénation grandissante de l'homme ainsi qu'une ignorance croissante des lois de la vie, de la mort et de l'immortalité, ainsi que des millénaires de souffrance humaine. Nous avons perdu contact avec la source de vie, renié notre droit à savoir et à comprendre notre passé évolutif progressif, ainsi que la clairvoyance de notre propre destin. Le « je » inconscient créa, au sein de l'ego, une image miroir qui réduisit le statut cosmique du moi à des proportions égocentriques. Graduellement, la perception de soi devint limitée au sens physique, inconsciente de la réalité interdimensionnelle et unifiée de l'être. L'évolution vers l'intelligence consciente mène à une réévaluation des dynamiques internes du processus de la pensée. Ce nouvel éveil focalise mentalement sur la relation de confrontation existant au niveau subliminal, au sein du mental inconscient entre les forces mentales de l'intelligence et les forces astrales de l'âme, donne naissance à une psychologie individualisée de l'être et à une définition cosmologique plutôt que psychologique du moi. La fonction introvertie du « je » et du « tu » se voit alors restaurée, accompagnant la fonction extravertie. Le « moi » est plus qu'une perception égocentrique du « je » au sein du champ de la conscience subjective. Il constitue un lien relationnel avec les plans mentaux d'intelligence d'un réseau universel. Les fonctions pronominales du « je » et du « tu » doivent être intériorisées afin que l'ego puisse entrer en communication télépathique avec l'ajusteur de pensée, dont procède un savoir absolu de la vie et de l'évolution. Cette nouvelle conscience requiert que l'ego puisse se projeter au-delà du statu quo psychologique de l'expérience involutive, de manière à plonger librement dans l'étude du territoire inconnu jusqu'à présent, des dynamiques évolutives du mental. Lorsqu'il s'adresse intérieurement à une entité invisible telle que le moi supérieur, à travers l'usage du « tu » pronominal, il reçoit une réponse qu'il tend, d'emblée, à mettre en cause quant à sa réalité objective. Il a perdu contact avec son fondement interne depuis si longtemps, qu'il trouve difficile, pour ne pas dire impossible, ou irrationnel de partager l'expérience de son moi inférieur avec un partenaire cosmique. La crainte de sa propre dissolution l'empêche d'accéder à un système de communication de la pensée qui pourrait le libérer d'une identité psychologique fictive. Faisant l'expérience de la science du mental d'un point de vue libre des dynamiques psychologiques de l'ego inconscient, et projeté au premier plan de l'étude psychique du « je » et du « tu » interdimensionnel, le moi inférieur accroîtra son territoire psychique et bénéficiera, tant d'une expérience créative que d'un savoir. L'art involutif exprime la frustration dissimulée et la lutte du moi inconscient dans sa recherche d'une identité réelle, à travers le symbolisme submental euphorique de l'art, une diversion de l'âme qui n'a que peu en commun avec l'identité interdimensionnelle du moi. L'artiste astral, ou inconscient peut facilement changer d'identité psychologique à travers sa quête expressive, en vue d'exprimer diverses facettes du moi inférieur. Or la réelle identité n'est jamais élusive. L'artiste involutif, simplement outillé des formes pronominales inconscientes, possède une science insuffisante pour se relier à son moi réel et supérieur. L'art astral est un délice pour le moi inférieur. L'art conscient, ou mental est inspiré du moi supérieur, et constitue un canal pour la dictée de la science consciente de l'art, plutôt qu'une simple forme inférieure d'expression propre, un artefact culturel de valeur relative. L'artiste mental n'a peu d'intérêt pour l'expression inconsciente, et dirige son « expiration » créative vers l'exploration d'une conscience supérieure à travers son art, plutôt que de simplement entretenir un rôle fictif en vue de soulager, en partie, les impulsions dominantes de l'âme et en partie pour obtenir la reconnaissance de ses pairs. L'art, sous sa forme astrale, appartient à une civilisation qui nous est propre. Nous recherchons encore son assertion de ce qu'il y a plus à la réalité qu'à première vue. En fait, nous avons besoin de l'art, étant dépourvus de la conscience de notre moi réel et de notre dimension cosmique. Ne pouvant communiquer avec la réalité, nous communiquons à travers le symbolisme submental de l'art. La découverte des lois de la pensée consciente requiert bien plus que l'art, la science ou la religion. Alors que la civilisation tourne le dos à la tradition, nous nous tournons vers le divertissement, une expérience artistique astrale distrayante. La manie du sport se veut alors un rituel laïque, dont la forme artistique se mesure en termes de performance. Une grande part de la musique moderne a cessé de porter réconfort à l'âme et empoisonne l'esprit, dont la voix interne est étouffée alors que des voix autres, plus astrales, luttent pour pénétrer l'esprit mal avisé de jeunes gens en quête de soulagement d'un monde qu'ils ne comprennent pas. La violence est devenue une forme d'art et le moi fragmenté s'identifie à elle au nom de la survie psychologique, un euphémisme pour un défaut d'identité réelle. La quête frénétique pour une forme quelconque d'identité, dans un tourbillon omniprésent de divertissement artistique, témoigne du vide croissant de l'existence moderne. La recherche identitaire implique un tel état de panique que l'échec en attire plus d'un vers l'expérience de la drogue, déjà intégrée aux formes artistiques d'une méga-civilisation, trop complexe et déshumanisée pour être comprise ou pour que l'on puisse s'y identifier. Depuis la mort d'un symbolisme plus prudent, institutionnalisé et insuffisant pour répondre aux besoins fondamentaux d'une civilisation trop sophistiquée pour retourner au passé, la douleur de la solitude est soulagée par le Walkman. Des millions d'individus recherchent l'accompagnement dans un monde dépourvu de sens et d'ordre. Le cinéma crée des héros à émuler, puisque les symboles submentaux récents de l'écran participent d'une forme artistique susceptible d'être recréée sur une base individuelle, sous la forme de violence ou d'érotisme. Le cinéma d'épouvante projette et reproduit un symbolisme astral, voire satanique, rendant la psyché réceptive à des forces qui montrent la voie de la mort, à travers des plaisirs pétrifiants et la peur contrôlée. Les religions transforment leurs forums en sessions artistiques de gestion de foule, et magnétisent les sentiments astro-spirituels d'égos inconscients et naïfs, les retranchant de leur source mentale. Des mantras hypnotiques remplacent les symboles submentaux d'une autre époque, ultime artifice des religions astrales à l'endroit de l'intelligence humaine. La télévision fait office de divan du psychiatre, les problèmes de la nation y étant analysés, rationalisés et contemplés, jusqu'à ce qu'une psychose ait touché l'esprit de millions d'individus de son front à linceul. Des individus désespérés sont infectés, au niveau émotionnel, par les divulgations publiques d'une civilisation condamnée à la dégradation par l'artifice astral et la compétition frénétique, dans le puissant médium de l'industrie du divertissement. Lorsque cette forme d'art perd de son sens pour la conscience individualisée, sa civilisation devient un musée et seul l'individu peut se transformer. L'intériorisation du « je » et du « tu » pronominal engendre une nouvelle conscience, permettant au moi inférieur de connaître une intimité mentale avec sa source. Le lac spirituel d'une civilisation se dessèche lorsque la mosaïque de son symbolisme submental se désintègre. L'individu doit alors apprendre à explorer son territoire psychique seul, quoique accablé, tel qu'il est, par ses mémoires anciennes. L'insularité du mental doit être développée et le moi doit être mis en contact avec les dimensions internes de sa réalité psychique, qui ne peut être déliée à travers le symbolisme. La civilisation a ses cycles et lorsqu'elle ne peut plus l'aider à pénétrer le sanctum interne d'une psyché imbue de formalisme, il doit le faire seul, sans crainte et avec force interne. La communication avec l'intelligence interdimensionnelle est le début de la réunion de l'homme avec sa source. Le contact seul ne suffira pas sans que le lien astral avec des systèmes de pensée involutifs ait été rompu. La mémoire astrale apaise la conscience, parce que le mental inconscient est relié au passé et que son symbolisme et sa réalité demeurent inconnus. Avant la transmutation de son astralité, la nature multidimensionnelle de l'homme et de l'univers l'empêche de devenir aisément conversant avec les plans mentaux qui constituent le fondement de sa réalité personnelle. L'évolution portera à l'attention du moi la notion d'une intelligence prépersonnelle, agissant à titre de principe directeur dans le développement humain. Ceci aura lieu par suite de l'élévation des valeurs pronominales du « je » et du « tu » au sein des structures psychologiques et psychiques de la conscience égocentrique. Le moi apprendra que le contact interne s'étend au-delà de l'expérience astrale spirituelle. Il appartient à un réseau de communication avec d'autres plans d'intelligence, dans l'univers, que l'on qualifie symboliquement de moi supérieur, Adam demande vit que la réalité spirituelle, le moi supérieur, est une source indépendante d'intelligence, en contact intermittent avec l'ego inconscient, à travers une pensée subliminale trop basse en vibration pour attirer l'attention du moi inférieur. Son rôle interdimensionnel demeure caché dans les zones grises réflexives de la conscience, et son rôle créatif constitue le dernier écueil avant que soit résolu le mystère de la conscience. La prise de conscience de l'ajusteur de pensée, ou du moi supérieur, est le début d'une suite d'éclaircissements cosmologiques objectifs qui donneront suite à des avancées évolutionnaires. L'objectivité du « je » et du « tu » interne deviendront un fait de la vie mentale consciente, et mèneront à la matérialisation de la part invisible du « moi » planétaire. Cette matérialisation créera une nouvelle ouverture dans le champ éthérique de la Terre et altérera la conscience de la planète, introduisant la Terre à d'autres civilisations de l'espace, maintenues à l'écart d'un contact ouvert avec l'humanité jusqu'à ce que cet événement cosmique central ait eu lieu. Le « je » interne de l'homme inconscient n'est qu'un reflet de son « je » cosmique. Il est dissocié de la réalité de l'univers, à travers l'image miroir égoïque que crée le processus de la pensée au sein du moi inférieur. L'homme nouveau deviendra conscient de ceci, et atteindra un niveau de vibration mentale lui permettant de faire interface librement avec d'autres intelligences, sans tomber sous le sort hypnotique de leur énergie mentale hautement vibrante, évitant ainsi la répétition involutive de la formation de religion ou de culte. Le nouveau cycle évolutionnaire se distinguera du cycle involutif, en ce que le moi conscient atteindra le statut d'être à part entière dans le système local. Un tel statut n'existe pas encore, même si l'humanité a atteint un haut niveau de développement technique qui demeure comparativement primitif d'un point de vue systémique, ces mondes ayant depuis longtemps franchi le mur de la lumière, et donc de la mort. Dès lors que le « je » et le « tu » auront été introduits au champ de la conscience, l'homme nouveau et ses institutions seront libres, en contact ouvert avec des intelligences autres, dont la rencontre aura été consentie par un gouvernement systémique interdimensionnel. Les lois internes de la pensée sont occultes, et ne peuvent être appréhendées à travers le processus intellectuel d'une race ayant perdu contact avec ses origines. Le mental doit être libéré avant que le contact avec d'autres planètes constituant le berceau de la race humaine puisse être entièrement initié. L'intégration consciente du « je » et du « tu » interdimensionnel augmentera à travers le nouveau cycle évolutionnaire, rapprochant l'homme, plus que jamais, de la dissolution de la loi karmique de la mort. Ces changements seront d'un ordre qui affectera le fondement même de la civilisation telle que nous la connaissons. Le savoir interdimensionnel n'est guère accessible aux sciences matérialistes et aux religions de masse. Il ne peut que faire suite à une révolution en intelligence, fondée sur une communication interne avec les plans mentaux. Ce fait est une part inaltérable du destin humain et de son contact avec les sphères. Le symbolisme submental, enraciné dans des contextes culturels pluralistes et diversifiés, sera enfin révoqué, le lien psychique ayant été établi avec une évolution d'âme et une perception psychique plus avancée. La croissance et le développement interne procéderont à un rythme jamais atteint au cours de la phase involutive de la civilisation. La psyché humaine du mental supérieur est suffisamment développée pour assimiler un nouveau savoir. L'homme est prêt à savoir. Ce qui était déjà empreint sur son mental sera effacé, à travers une phase personnelle de transformation interne qui prépare le moi inférieur au contact psychique avec les plans mentaux. L'ego n'interférera plus avec les registres mentaux de la communication de la pensée. Un homme nouveau sera prêt à rencontrer sa race originelle, n'étant plus assujetti au trou des mémoires de sa rencontre rapprochée. Il importe de savoir que l'humanité est polarisée, car elle répond à divers systèmes de pensée. La pensée est un phénomène de communication au sein de l'univers systémique, gouverné par des pouvoirs absolus incarnant la nature même du savoir et de l'avancement scientifique. La relation « je » et « tu » fait partie d'une opération masquée au plus haut niveau des gouvernements universels, jusqu'à ce que l'homme ait atteint une maturité interne suffisante pour qu'il puisse comprendre la dimension cosmique de la vie et de la pensée. L'évolution de l'intelligence commence à ce point et se propage dans l'univers pour atteindre des niveaux de perception inimaginables, en termes humains. La vie est un processus de ramification entamé sur d'autres planètes et qui se matérialisa sur Terre en vue de former un nouveau lien, permettant à des gouvernements invisibles d'interpénétrer la conscience d'une nouvelle forme de vie, l'homme en étant l'adaptation la plus récente et plus primitive. Un réseau mental objectif n'absorbe la dualité pronominale du « je » et du « tu » que lorsqu'un dialogue conscient avec l'ajusteur de pensée devient un champ unifié de communication de la pensée. C'est ici que la pensée interne déplace la pensée réfléchie et l'élève à un niveau objectif de communication télépathique, renforçant le lien avec une source d'intelligence indépendante de l'ego, mais intégrée à sa dualité psychologique. C'est alors que la pensée interne sera convertie en communication interne. L'homme nouveau réalisera que la pensée est un processus qui ne vient guère de lui mais à lui. On comprendra alors parfaitement, et c'est pour la première fois, que la pensée tire son origine des plans supérieurs du mental et perd de sa lumière lors de son ajustement aux paramètres psychologiques de l'ego réfléchi inconscient, maintenant ainsi l'illusion karmique du libre arbitre. Cette illusion se voit fracturée dès lors que le moi inférieur a atteint une pleine maturité psychique, indépendante des composantes psychologiques accumulées à travers une longue immersion dans le conditionnement culturel de sa mémoire raciale. Le « je » et le « tu » interne font partie d'un système bilatéral de communication qui permet à l'ajusteur de pensée d'instruire l'ego dans la science de la vie, tout en habilitant le moi à communiquer librement avec un plan d'intelligence qui ne peut dévoiler son savoir vivant que selon le degré d'évolution de l'âme. L'âme doit être éprouvée afin qu'elle soit affranchie de ses craintes karmiques fondamentales, avant qu'elle ne puisse bénéficier du pouvoir multidimensionnel de la réalité du moi, sans perturbation psychologique et psychique. Il doit être donné à l'âme de ressentir et de voir cette dimension externe, tout en étant incarné dans une enveloppe physique qui limite sa nature psychique à ses sens, contraignant le moi inconscient à vivre en accord avec des plans de vie qui ne participent guère de sa destinée cosmique. L'âme doit apprendre à traiter avec des forces qui engendrent une énergie que le moi inférieur, au niveau de l'ego, tend à percevoir subjectivement. Elle doit aussi acquérir une maturité psychique suffisamment avancée, de manière à traiter avec deux niveaux de réalité à la fois, sa propre réalité et celle de l'ajusteur de pensée. La vie mentale chevauche une dimension pré-personnelle encore méconnue, et une dimension personnelle créée et renforcée par la pensée subjective, au cours des étapes formatives du moi inconscient. Alors que la maturité interne se manifeste, l'homme nouveau comprendra graduellement la différence entre pensée et communiquer. Il constatera l'illusion de la pensée personnalisée et l'existence de son réseau de communication avec une intelligence objective, filtrée par son évaluation réflexive en association avec le « je » et le « tu » dans une culture dont les habitudes de la pensée furent formées et imposées à un moi crédule et inconscient. La voix interne ne provient pas toujours de l'ajusteur de pensée. Elle pourrait fort bien provenir de guides, ou d'entités sur des plans astraux inférieurs ou supérieurs, en sympathie vibratoire avec l'appareil psychique de l'homme. Les pensées sont d'origine soit astrale ou mentale. Plus le mental est inconscient, plus il devient pollué, et plus astrales et subjectives seront les pensées. L'homme fut créé non pas pour communiquer avec les plans astraux mais avec les plans mentaux. La communication astrale créa une perversion au sein des systèmes universels de pensée de la conscience humaine, et retarda l'individualisation du moi. L'homme s'est laissé berner vers le réseau astral de la pensée, en raison de son lien inconscient avec les morts, qui pensent comme les vivants, avec cette différence qu'ils évoluent en forme astrale plutôt qu'en forme physique. Il a payé cher sa naïveté, qui l'a maintenu enchaîné au cycle involutif du développement de l'intelligence mécanique. Il en résulte que le mental inconscient a été pollué graduellement, à un point tel que l'homme aujourd'hui, qu'il soit en contact avec des entités astrales inférieures ou supérieures, ne peut jamais atteindre son identité totale, ou sa fusion à moins de n'être en contact avec l'ajusteur de pensée sur le plan mental. La fusion ne peut avoir lieu que si l'âme s'incarne dans le corps physique. Les entités astrales, quel que soit leur statut spirituel, ne peuvent mener l'homme vers une pleine conscience cosmique. Les psychiques sont, de manière générale, conscients de la communication astrale et développent leurs facultés à travers un engagement personnel et un affinement de leur réseau astral et de ses composantes. Leur sensibilité à l'énergie astrale est la source de leurs facultés. La plupart ignorent qu'un tel contact spiritualise leur énergie mentale, marginalise leur intelligence et les asservit à des entités, ou à mettant libre de l'enveloppe physique, mais tout aussi ignorante des lois cosmiques de l'évolution qui sous-tendent le développement de l'intelligence humaine, dont ils ne peuvent atteindre le niveau sous forme astrale. Les psychiques ont la tendance spirituelle et naïve à croire leur contact astral, et par conséquent retardent leur fusion avec l'ajusteur de pensée, le réseau astral demeurant ainsi le seul système de communication dont ils font l'expérience. Le jeu astral et ses lois leur échappant, ils tombent ainsi en proie à des systèmes ésotériques ou occultes qui retardent leur fusion avec le moi supérieur. Ils confondent fréquemment leur propre moi supérieur avec un guide spirituel. Ceci mène irrémédiablement à l'ultime illusion spirituelle. Les pires exemples de l'interférence astrale avec l'intelligence humaine se constatent auprès d'individus alignés ou psychiquement perturbés, qui reçoivent des messages depuis les plans astraux inférieurs, les poussant à manifester leur comportement psychotique. Une possession avancée, telle que celle-ci, n'a que peu de sens pour la psychologie classique, ou la psychiatrie. La pharmacopée utilisée dans le traitement de ces patients a l'habileté de couper temporairement le courant psychique. Cependant, elle ne peut ramener les malades à un état conscient, et elle peut détruire le peu de clarté mentale et de volonté qui subsiste pour lutter, le patient étant déjà dépossédé de son espace psychique. Les individus qui se parlent ou entretiennent une communication interne profonde de nature pervertie font l'expérience de l'astralisation de la relation du « je » et du « tu », se laissant dangereusement influencer par une entité recherchant la destruction graduelle de l'identité de l'invalide, de manière à pouvoir facilement subjuguer sa volonté pour s'emparer de la personnalité. Lorsque l'on entreprend d'éprouver la validité de la relation « je » et « tu », on ne doit jamais se soumettre à un contrôle interne. Ceci assure le contact avec une source mentale, plutôt qu'astrale, qui chercherait autrement un tel contrôle. La faiblesse et le défaut d'intelligence du monde astral résident dans l'imposition de leur volonté sur l'homme. Ceci est l'ultime épreuve qui expose la source astrale d'un contact interne. Les âmes ne sont pas des ajusteurs de pensée. Ces premières proviennent de la mort, alors que ces derniers proviennent de la lumière. Les âmes commettent des erreurs là où les ajusteurs de pensée n'en commettent point, et les âmes sont loin d'être parfaites, alors que les ajusteurs de pensée le sont. L'homme nouveau développera une intelligence supramentale qui reliera son mental au plus haut registre possible de la pensée qui soit accessible à ce stade de l'évolution humaine. Il aura accès à un réseau de communication interne avancé, qui altérera totalement sa personnalité et individualisera son moi, lui donnant accès à des plans de pensée conscientes, toujours plus supraliminaires, qui assureront sa libération vis-à-vis de la programmation astrale. L'intelligence supramentale unifiera son mental avec la prépersonnalité de son ajusteur de pensée, qui a suivi son développement à titre d'être planétaire, depuis la première descente de son âme dans le corps physique. Les âmes ne proviennent pas toutes de la Terre. Plusieurs proviennent d'autres parties de l'univers systémique. La relation du « je » et du « tu » induira une conscience interdimensionnelle et rétablira le lien avec l'ajusteur de pensée, invisible mais mentalement présent, permettant à l'homme nouveau de rencontrer les créateurs physiques de sa race. Le danger d'être psychiquement et psychologiquement dominé aura été neutralisé. Il partagera sa propre expérience avec d'autres provenant de lieux éloignés. Il cessera d'être considéré une créature, ayant atteint, de plein droit, un stade de plein développement. La relation du « je » et du « tu » ou de dialogue lui aura assuré un avenir glorieux et indépendant. L'homme nouveau ne traitera pas avec le plan astral mais communiquera directement avec les mondes mentaux, source cosmique de l'intelligence créatrice. La relation du « je » et du « tu » sera développée à un degré qui équilibrera les forces psychiques qui pénètrent le plan mental, et dont l'ego a besoin afin de créer à son propre niveau, et pour son propre bien-être. Un plein équilibre existera entre le « je » et le « tu » jusqu'à ce qu'il se soit parfaitement harmonisé, de manière à devenir indivisible par la fusion de l'âme et de l'esprit. Chapitre 19. Et la polarité des mentales. Le mental se meut suivant des longueurs d'ondes d'énergie variant selon l'alignement causal entre l'émotion et la pensée. Dans ce processus, les canaux mentaux supérieurs demeurent imperceptibles, en raison de la difficulté avec laquelle le champ d'énergie du mental défléchit les pensées ou les motifs qui engendrent des habitudes ayant marqué son développement. Il en est ainsi en raison de l'incapacité du mental à mettre un terme à la polarisation de pensées conditionnées par les émotions, devenues la matière première de la personnalité subjective. Le mental inconscient est une expérience inférieure du moi, jusqu'à ce qu'il ait élargi son champ de compréhension, au-delà du cautionnement idéationnel de la société contemporaine. Par l'imposition d'un miroitement d'uniformité à la pensée, la société encourage le développement égocentrique de la conscience, aux dépens de la centricité créative. Cette inconscience, au sein du mental, entrave l'accès du penseur à un registre supérieur de la pensée, qui mettrait naturellement un terme aux valeurs submentales réunies qui immobilisent la pensée par rigide coercition. Le processus inconscient de la pensée crée une polarité au sein du mental, empêchant le moi de comprendre la réalité interdimensionnelle. Nous faisons l'expérience du mental mais nous ne nous relions pas à son niveau créatif supramental. Nous sommes inconscients de sa source et luttons contre elle tout au long de la vie inconsciente. Le mental devient un champ de bataille lorsque nous échappe la compréhension de son relais à d'autres niveaux visant à lui empreindre une vibration de la pensée afin d'éliminer les motifs de la pensée dépourvus de sens réel. Nous abordons le sens à un niveau émotif, plutôt que d'après un réseau mental supérieur, le réduisant à un système de valeurs subjectives qui polarise constamment le mental inconscient par une dérive de la réalité. La polarité divise le moi selon des lignes de force émotionnelle qui disloquent l'unité de la conscience, privant le moi de réponse issue de niveau libre de la polarisation. Ceci fait pression sur le moi, vers un état subjectif plutôt que créatif ou intégré. Dans l'environnement des êtres pensants en tant que masse, l'évolution est très lente en dépit des avancées scientifiques périphériques. Le conflit surgit des polarités résidant au sein du mental collectif, qui féconde des forces visant à maintenir le statu quo plutôt qu'à accorder la liberté à des niveaux créatifs supérieurs. Pour cette raison, l'évolution psychique du mental ne peut avoir lieu que sur une base individuelle. En tant qu'individu, l'homme peut se projeter par-delà les limites de la banque mémorielle collective. Le mental en évolution éloigne psychiquement des individus distincts de la masse conformante. Il n'est guère suffisant, en termes évolutionnaires, d'élever la conscience à un niveau d'utilité sociale, tout en emprisonnant des générations entières dans des idées historiquement polarisées. Le fait d'évoluer vers une conscience plus individualisée porte la pensée créative au mental, abattant le mur qui mène à la communication avec des niveaux interdimensionnels. La pensée consciente de soi se voit transmutée en communication consciente, ce qui requiert une profonde altération des habitudes de la pensée, de la part de ceux qui auront progressé en épousant des lignes d'évolution qui se trouvent à l'écart des limites de la pensée involutive. Il est inévitable que la pensée élargisse sa fonction psychique, de l'étape réflexive à l'étape communicative. Seule la polarité de son énergie émotionnelle l'abaisse au niveau égocentrique du « je » inconscient. Alors que le mental accroît la portée de sa conscience, les motifs individués ou créatifs de la pensée deviennent des habitudes involutives. On constate alors que la fonction réflexive de la pensée participe d'un système inférieur appartenant à une race humaine, n'ayant pas encore assumé le plein contrôle de son destin. L'invraisemblance de la réalité interdimensionnelle est à la mesure des limites du mental. La pensée n'est guère un absolu alors que l'interdimensionnalité l'est. Nous avons été conditionnés à concevoir la pensée en tant que preuve d'identité propre. Éloignée de la source de l'identité de l'être, elle est un processus de communication au plus haut niveau de la conscience, et ne devient centrée sur soi que lorsque son énergie se voit sapée par les forces émotionnelles qui sous-tendent sa structure psychique. Le « je pense donc je suis » de Descartes décrit un aspect primitif de la fonction de la pensée. La pensée interdimensionnelle est la fonction télépathique de dépolariser le mental, de l'ouvrir à son principe créatif. La polarité est le résultat de l'attraction magnétique du mental inconscient à l'énergie émotionnelle, qui confère à la pensée son sens subjectif. Lorsque le mental est élevé en conscience, la polarité augmente à son point de tension ultime alors qu'il lutte pour pénétrer la zone interdimensionnelle de la pensée, c'est-à-dire la communication mentale supérieure. La lutte pour la survie égocentrique culmine à ce point, dans l'évolution du moi, vers un niveau mental supérieur. La polarité maintient le mental dans un état d'équilibre fictif. L'absence de polarité détruit l'équilibre réflexif de manière à en créer un autre, inconnu à l'ego dans son expérience collective de la pensée. Le point de rupture de la polarité est l'écueil que doit connaître la conscience afin qu'elle puisse se prolonger vers des systèmes de pensée supérieurs, où elle peut participer au savoir inconditionné. Le mental humain est rempli d'idées polarisées. L'ego non individualisé est incapable de se dissocier de leur pouvoir, en raison des valeurs submentales rattachées aux pensées en soi. Le mental individuel a son propre niveau de pensée qui, à son tour, coïncide avec un registre de pensée plus ou moins étendu et variant de culture en culture. Lorsqu'il s'éloigne de la pensée cultivée, il perd le soutien psychologique que procurent les idées conditionnées. Il entre dans un état mental qui éprouve son habileté à se tenir droit, seul au-delà des notions polarisées. Ceci pousse son individualité à ses limites, éprouvant ses ressources internes au-delà des idées socialement conditionnées qui entretiennent l'égocentricité et qui structurent la personnalité. L'homme nouveau sera muni d'un mental qui accédera à l'avenir de la pensée en soi. Ceci lui permettra de se relier à des systèmes supérieurs de connaissances et de les adapter, en temps voulu, à son expérience contemporaine sans causer un déséquilibre inutile. Le fait d'accéder à l'avenir de sa pensée lui permet d'évaluer le système de pensée de sa civilisation, et d'extrapoler de nouvelles idées servant de base à la perception, pour un développement personnel successif. La polarité, inexistante au sein de son mental, le laisse libre de savoir sans devoir prouver. Ceci crée, d'emblée, une angoisse psychique qui accroît la profondeur de son registre systémique avancé de pensée. Du moment où il fait consciemment interface avec des systèmes de pensée supérieurs, ainsi qu'avec les prépersonnalités qui les activent depuis le plan mental, sa conscience égocentrique se dissout et une identité réelle se développe à partir de la rencontre interne. Son mental cesse d'être polarisé et la conscience cellulaire entame son travail, c'est-à-dire son processus de croissance régénérateur. Le lien astral est ainsi rompu et le lien éthérique est établi. Il aura ainsi substitué sa personnalité par sa vraie personne. La polarité du mental accroît le vide que connaît l'homme par rapport au moi. Elle entretient les fonctions mentales inférieures et empêche que l'ego revête les aspects psychologiques et psychiques de sa structure mentale. Une fois que le mental a été dépolarisé par l'élévation du plafond de la pensée, le moi fait l'expérience du contact psychique avec des plans d'intelligence se trouvant intimement liés à sa propre réalité. Il commence à voir la vie mentale comme un processus plus subtil que ce que la pensée subjective aurait pu lui révéler. Il en vient à réaliser, très tôt, que toute la base de la pensée subjective est parsemée d'illusions qui dissimulent parfaitement la nature cosmique de la conscience. La plus méconnue des dimensions humaines est celle de la pensée en soi. La condition polarisée de la pensée est ce qui transforme le mental en une forteresse de conscience inférieure, ne pouvant traiter avec la vie, en tant que continuum d'énergie se mouvant depuis les niveaux éthériques de la réalité vers les niveaux matériels. Le processus interdimensionnel de la vie est étranger à la conscience subjective. L'être involutif n'a jamais utilisé sa faculté de penser intelligemment, dans le but d'explorer sa relation avec un ordre supérieur se trouvant, en fait, à être le sien. Par conséquent, il est demeuré prisonnier de sa sphère inférieure et a traité avec la vie d'un point de vue purement expérientiel ou karmique. Il est né dans le monde sans connaissance de sa source ou de son origine. Totalement dépendant du système subjectif de la pensée imposée à son mental à travers le plan astral de sa conscience, il n'a jamais pu déployer la réalité de son mental, au-delà du niveau spéculatif. La polarité de la pensée a maintenu la conscience dans le ventre de la civilisation, où la mémoire de la race constitue l'unique point de référence. La polarité a diminué la stature cosmique de l'homme si systématiquement qu'il s'est depuis longtemps égaré des domaines de vie et d'intelligence qui apparaissent incongrues à sa perception rationnelle et erronée de la réalité. La polarité du mental dissimule d'autres dimensions de la réalité qui confèrent un sens cosmique à la vie. À travers les émotions de la pensée, la conscience est polarisée et l'identité perdue. La conséquence inéluctable est l'incapacité de régénérer les corps inférieurs à l'aide d'une énergie libre des égrégores astraux. L'évolution portera à l'attention humaine le fait que la nature n'est guère dictée à partir des plans inférieurs mais bien à partir des plans mentaux supérieurs de la vie. L'involution a entravé l'accès du mental humain aux dimensions réelles de la pensée en soi. L'évolution imposera la communication avec les dieux au niveau du mental humain. Les religions naïves et les sciences matérialistes constituent une entrave à la liberté universelle, qui ne peut être atteinte qu'individuellement. Dans cet ordre des choses, la polarité doit être vue comme un mode dualiste de perception, qui accroît la dépendance de l'ego par rapport à des valeurs collectives. Ces valeurs ne sont guère créatives elles-mêmes. Elles peuvent être utiles socialement, mais elles sont dégénératives d'un point de vue purement conscient. La polarité affaiblit la saisie du sens universel par l'homme, mettant en exergue l'importance des émotions dans la structure du sens. Alors que l'homme devient conscient, le sens passera d'un niveau émotionnel à un niveau mental, ayant cessé de se référer à l'inconscience de la race. Le sens ne sera plus tiré de l'expérience involutive. Il se développera de l'intérieur et ne déformera plus la réalité, laissant le moi libre des perceptions qui ne tiennent pas compte de son identité. La polarité est une condition de la pensée qui réduit les aspects créatifs du mental individuel au niveau de la réactivité de la pensée de masse. Elle empêche le moi de trouver son propre centre. Elle aliène une relation de dialogue avec l'ajusteur de pensée, rompant le lien sustentateur avec la pure conscience des plans supramentaux. La participation consciente à la réalité interdimensionnelle est suspendue alors que le moi fait face à la vie seule, sans soutien interne. La polarité impose à la psyché une condition de pensée qui force l'ego à spéculer sur la nature de la réalité, plutôt que de pouvoir s'y référer de manière à accroître son niveau de conscience, et de la porter à un plan de connaissance qui harmoniserait la dimension physique à celle de l'esprit, ou du mental. La nature de la réalité interdimensionnelle contrecarre toute interprétation subjective de ces lois cosmiques. Le moi doit être suffisamment mature pour incorporer ces principes, sans les spiritualiser naïvement, ce qui entraverait une approche clairvoyante de sa dimension occulte. La polarité de la pensée retarde la maturité, car elle contraint l'ego à dépendre de la relativité négative-positive de valeurs inhérentes à la pensée subjective. Pour appréhender la réalité interdimensionnelle, la pensée doit être élevée, jusqu'à ce que la vérité cesse d'être un but en soi, mais plutôt une évidence créative objective de la découverte psychique du mental. Ceci constitue une entreprise invraisemblable lorsque considérée d'un point de vue purement scientifique et méthodologique. La polarité de la pensée entrave l'accès au vide qui, de par sa nature, peut infuser le mental d'énergie créative indisponible au niveau subjectif polarisé. La polarité, d'un côté, protège l'ego du choc d'un contact direct avec le vide et ses systèmes supérieurs de communication, qui relèguent la pensée à un niveau secondaire dans l'étude de la réalité. Or, en tant que telle, elle devient aussi une limite. La recherche de la vérité dualiste, un élément distinctif de la civilisation, contraint l'ego à spéculer sans fin sur la nature de la réalité, l'une des raisons pour lesquelles l'homme moderne, en dépit de ses avancées technologiques, demeure ignorant des lois plus éthérées de la vie, de la mort et de l'immortalité dans l'univers. La connaissance d'autres niveaux, ou plans de vie intelligents au sein de l'évolution systémique, demeure inaccessible pour lui, en raison de son incapacité à apaiser le processus de sa pensée et de ses polarités. L'évolution dépolarise la pensée et l'élève à un niveau d'une telle vibrance que l'ego n'est plus en mesure d'interférer avec sa nature universelle. La mémoire involutive constitue une barrière artificielle à l'encontre des systèmes de pensée supérieurs. La mémoire ne participe pas simplement de la nature de la dynamique du mental, mais elle constitue également une force qui empêche le moi de se mouvoir vers les systèmes de pensée supérieurs, en raison du contenu émotionnel de la pensée inférieure qu'il a peine à neutraliser, de crainte de perdre contact avec sa propre réalité subjective. L'empreinte de la réalité subjective constitue une totale sécurité psychologique, en dépit des illusions qui la soutiennent. L'homme n'est pas prêt à échanger son fondement psychologique pour un fondement purement psychique, dont la réalité, à ce jour, demande à être confirmée à travers l'expérience personnelle, ou la communion collective. Le fait de se mouvoir d'un niveau polarisé de pensée vers un niveau non polarisé implique de profonds changements dans la psychologie du moi. Ce n'est qu'à travers le processus évolutif, si essentiel à l'équilibre psychique et psychologique de l'individu, que cette maturité psychologique sera possible, alors qu'il accédera à des domaines à ce jour inaccessibles au mental humain. Dès lors que le mental est dépolarisé, la psyché se règle graduellement sur des pensées n'étant plus liées à la convention. Il enregistre des idées n'étant en rien reliées à la mémoire de la race. Il assiste le moi par la réception d'idées dont la nature expose la réalité systémique et ses mystères. Ce savoir augmente jusqu'à ce qu'il atteigne une zone libre, au sein de laquelle le mental a l'habileté de se délier des anciennes doctrines, afin de ne jamais retourner à son involution précédente, qui n'y a à l'ego le souffle de vie. Il a pour rôle d'intervenir dans la déchéance involutive des forces de l'âme insuffisamment fusionnées avec la lumière. La nature de l'amour terrestre est encore à ce jour fortement colorée par les illusions matérielles et spirituelles d'une humanité ignorant le réel. astral, décrit de façon générale des zones de vie servant de plan d'évolution à l'âme après la mort, ainsi qu'au maintien de puissances invisibles pouvant agir sur la conscience de l'homme à son insu. Centricité signifie l'éclatement du pouvoir de la personnalité sur l'essence même de l'homme, conduisant au développement certain de sa personne, où la lumière a remplacé la mémoire de l'âme, comme source de mentation ou source mentale de l'entendement, conscience, ultime développement du genre humain au-delà des formes spirituelles de l'involution. Le terme conscience fait référence à un état d'esprit libéré des forces involutives de l'âme. Il rapporte l'être à une fusion, ou unité de plus en plus grande avec le double, l'esprit, la lumière et l'essence prépersonnelle. Cosmicité, terme servant à universaliser l'être, sans pour autant en spiritualiser la nature multidimensionnelle. Double, représente la contrepartie non conscientisée de l'homme, lui servant de source de vie, à tous les niveaux de son organisation matérielle et psychique. Ego, qualité planétaire et expérientielle de l'intelligence en voie d'évolution vers la transparence totale de l'être. Espace-temps, qualité psychométrique de l'expérience humaine limitée par les sens matériels. Esprit, force intelligente et prépersonnelle servant de source de vie à l'homme. Cette force créative articule son activité avec celle de l'ego, en utilisant l'âme ou la mémoire comme modèle d'évolution pour la construction éventuelle du corps mental supérieur, avec lequel il fusionnera pour créer son unité de vie individualisée et indivisible. Éther, fait référence à des dimensions de vie non limitées par l'espace-temps, ou la qualité matérielle de la conscience humaine. Éthériel, qualité objective et réelle des dimensions non soumises aux lois de la matière. Étreté, permet de concevoir l'intégralité de l'homme conscient, au-delà de la simple formulation de l'être, que la philosophie a tenté de cerner sans succès. Évolution, période d'intégration des lois de l'univers, où l'homme rejoint enfin sa nature, son essence, et en manifeste dans la matière la puissance créative. Forme, s'applique autant à la perception de la matière qu'à la qualité vivante de l'esprit à travers le monde de la pensée. Le terme fait référence tout particulièrement au monde mental, celui où la pensée constitue, en elle-même, la matière fondamentale utilisée par l'esprit pour l'évolution de l'âme. Forme-pensée, ce mot composé est destiné à faire reconnaître que la pensée, dans un médium psychique, représente toujours une forme qui peut être identifiée par les sens intérieurs de l'homme. Fusion, terme de grande importance dans la compréhension de l'évolution future. La fusion représente le processus d'unification, c'est-à-dire de liaison entre le double ou l'esprit, l'âme et l'ego. La fusion fait référence à la qualité de la conscience double de l'homme sur Terre. Elle mettra un terme final à l'ignorance de l'homme face à la réalité cosmique de l'univers. Homme nouveau, représente l'homme évolué de l'avenir, dont l'intégration de l'être aura été achevée. Il marquera la fin de l'inconscience involutive ou le début de la conscience universelle sur le globe. Intelligence, représente le rayonnement du double à travers le mental plus ou moins épuré de l'homme en instance de développement. Sa puissance créative dépend de l'évolution de l'âme par rapport à l'esprit. La fusion transformera la nature égocentrique de l'intelligence et la rendra de plus en plus transparente. Elle sera alors plus créative dans le sens universel du terme. Involution, fait référence à cette période de vie sur Terre où l'humanité dut subir la vie, en raison de son ignorance profonde et totale de ses lois. Cette condition est directement reliée à la rupture du contact entre l'homme et le circuit de vie universelle intelligente, laquelle représente la totalité de la lumière, au-delà des portes de la mort. Lumière, l'énergie véhiculée par le biais du mental humain est lumière, ou une forme de rayonnement dont le taux vibratoire la rend invisible, bien qu'elle puisse être perçue par les sens subtils de l'homme sensible. Moi, dimension cosmique de l'homme d'où il puise son énergie. Cette source prépersonnelle de l'être assume la fonction de fusion ou d'union avec l'ego, lui donnant accès à la pensée, dont le plan mental est ultimement une dimension psychique de l'homme, au-delà de sa matière physique. Mémoire, totalité des impressions enregistrées consciemment, ou en termes subconscients par l'homme, et dont la somme équivaut à l'entité psychique appelée l'âme. Mort, dimension psychique de l'homme où la mémoire ou l'âme devient une facette de l'être libéré de la matière. Le plan astral réfère au monde de la mort, en évoquant de façon plus ésotérique la nature de cette réalité. Plan, terme référent à des dimensions du réel non vérifiables par les sens physiques. Pulser, décrit le mouvement vibratoire de l'énergie. Réel, tout ce qui sous-tend le monde physique de la matière et qui, en raison de sa nature impalpable, sert à l'évocation d'aspects subtils de la vie et de ses ordres hiérarchiques. Refle, section, relatif au reflet, se veut utile à la perception de tout ce qui emprunte la conscience égoïque et sert à la formation de ses voiles, ou illusions, face au réel. Régence planétaire, exprime l'ultime élévation de la conscience humaine. Elle représente l'avenir de cette conscience, unifiée à des forces cosmiques et créatrices, dont la puissance engendrera sur Terre de nouvelles formes servant à l'évolution de l'humanité. Race racine, terme ancien servant à identifier différentes vagues de vie devant dominer, pendant une certaine période, l'évolution d'un grand nombre d'incarnés. Sphère, plan de vie qui, de par leur ampleur, constitue des mondes autonomes et cosmiques. Submental, ce terme, signifie provenant des sous-plans du mental. Chapitre des mêmes auteurs. La genèse du réel, édition de la science intégrale, Montréal, 1988, fr. Dialogue avec l'invisible, édition de la science intégrale, Montréal, 1997, fr. B11 The Mind, Ibis Publishing, Montréal, 1998, an.